Opérette numéro 2. Charon décide vite, il encaisse mon soupir argenté. Ses yeux de mauvaises photos, brillants comme des pièces de monnaie, dans la paupière hypothétique d'une chauve-souris à la demi-journée. Sa bourse est une paupière et ses yeux sont rouges. Il est le dieu qui tue, le seul à hauteur de tous les meurtres. Il est le gardien ici. Charon donne sur un autre dieu à la trouble tête d'un chien enragé et d'un maquette. Je les lave avec du sable pour qu'ils m'amènent à toi. Toi, je savais que je te trouverais ici, comme j'ai été trouvé sur un arbre dans notre vie adamique et à l'intérieur d'un château dans l'amour sauvage du siècle. Tu as su être trouble comme le jus de la pomme pour me faire suivre tes sandales et tes chevilles tatouées, pour me montrer la voûte intérieure des nuages du globe, depuis les fauteuils du ciel. Tu as su me décrire la brillance de ton passé avant les voiles effacés, les femmes couchées sur mon visage, que j'appelle lunette, parce que je suis seul au lit avec toi, et tu es Diane, la lune. Le monde ressemble à l'enfer. Tous tes sexes dans les sermons effrénés du canotier qui nous mène à la guerre, un sexe plein de peur et d'horreur, tu le sais, et pâle, tu refoules vers le haut les chauves-souris de tes sourcils. Je pense au sexe, je l'entends gémir dans les cloches du discours paternel, dans les flux des pantalonnades, des cheminées qui t'embaument et te rendent un peu barbu, un peu mal rasé. Je vais te rendre au canotier, au barbare. J'ai une belle, tu sais. Et Charon aime les allers-retours cycliques de la chasseresse des cornes des raisons, jumelles du soleil tombé dans la boue. Elle est aussi sœur souterraine du mort. Elle n'est pas là pour moi. Bu à péter les plombs, droguée de toutes les poussières, elle tire contre les cibles aléatoires des dards d'amour fou. Et même celui qui surveille mes transits au bout de cette campagne flanche et cite. Elle est si folle qu'elle ressemble à une pilule, à un immense médicament, une aspirine d'urgence pour le cosmos, pour l'astronaute spermatique que nous tous gardons. Quelle est la honte du lunatique? Quelle sinon de creuser sa tombe avec un télescope de désir qui n'arrive pas à mourir. Charon m'amène seul pour une lune dans le sens inverse de ma douleur, vers les matins, vers mes lunettes, pour voir ma belle, mes belles lunettes. Ça vaut bien une lune pour les dieux de la mort. Jeudi 8 octobre 2009, opérette numéro 1. c'est l'heure de l'œuvre. La femme et l'homme se joignent au cadavre. Les remords de nos pères nous divisent tel un sabre. C'est l'opérette numéro 1. Mais j'ai fait venir des livres, j'ai campé avec quelques bagages pour avoir le temps. Une guitare miaule et un chant fait des arpèges. Des livres ouverts magnétisent l'attente. Les sottises et les grosses mensonges du vent et de la grêle, les survols de l'absurde me suivent depuis ma confuse ascendance. Je sors au bruit dans la ruelle, je discerne l'ombre d'un homme, la dernière visite du père qui m'apporte un crâne pour la dernière expérience, pour la dernière pensée de la femme. Tiens, Ondine, ma tête s'abandonne. Tiens, l'oubliance cristalline de mes pas vagabonds. Parmi les livres fous de la philosophie, je vais dans la chair de la gorge du ventre. Je vais dans l'ombre, à l'aisselle et au creux nombrilique. Je vais au centre du nombre central. De ta ceinture toujours ponctuée en paire. Et je connais des landes, les plis triples, au vent de la fenêtre liminale, au vent de mes poils, profanant comme des brosses, les parfaits tableaux de rose de ta peau, les dons du père, objet d'expérience, et lourd de méditer comme la femme. Et le crâne s'est fait ventre et s'est fait pied, comme un prélude de la terre profonde sous nos pieds, sous la ville, qui n'ont connu jamais l'air, qui sont privés du sel de la plage, qui sont dans la prison d'une chaussure, chaque jour plus obscur, chaque jour plus vil. Tiens, Ondine, ma tête s'abandonne. Tiens, l'oubliance cristalline de mes pas vagabonds dans les gris boulevards de l'entropie. Le crâne suggère une mamelle surprise, une chemise ventrue et odorante. La lumière, la soif lancinante. Du sexe qui signale l'exil, qui soustrait l'esprit dans l'emprise d'un amour délétère. Mes amis des circonstances, les livres du hasard étaient des soudaines montagnes, un horizon magnifique de cocagne, de poussière et d'or. Et d'un vol de moustiques, j'ai monté aux astres noirs et flegmatiques, comprenez les tasses fugitives, les lois d'Aristote écrites dans la main. La vocation d'angoisse de la gorge de Wismans, connue des femmes, les flammes des dragons de la Chine qui sont comme des pains, les moisissures malsaines d'ici à Paris, les pains et l'eau de la faim des lesbiennes américaines et du purgatoire de Catherine et de Dante, du fond fictif. J'avais le choix du cinabre de Chine, du rouge de vipère. J'avais les cotons du titane, comme les sangs d'une gitane, toujours excitant, toujours sévère. Tiens, Ondine, ma tête s'abandonne. Tiens, l'oubliance cristalline de mes pas vagabonds dans le temple de l'art et des salis. Tout était stable, tout était prêt à la folie du sommeil qui ignore les coups dans la porte pour un nouveau départ. Je ne pourrai jamais prendre racine sans tes soins maternels, déesse parisienne aux bijoux rouges, un cœur transparent, transpercé d'un tour de postal. Ton arc de triomphe et d'hospitalité, les sourcils que je dessine frémissant à ta voix. À ta voix, les sourcils de triomphe, des briseurs de tabous. Tiens, Ondine, ma tête s'abandonne. Tiens, l'oubliance cristalline de mes pas vagabonds dans les temples de mon art et de sa manie. Visage capricieux parcouru des signes, dans la simplicité de l'énigme, de ces quelques lignes comprises un jour dans sa jeunesse. Le peintre se redresse et dit, avant que je ne ronfle, veux-tu que je t'appelle princesse ou que j'aille sans toi à la messe. Et la beauté de Minu, sur le canapé de cuir, lui répond. Des lieux communs, rien ne m'expulse. Ils sont ouverts à tous comme la pluie. Dès qu'on est dans la rue, surpris par l'orage, la musique et la cage, l'écran du temps qui fuit, apporte-moi un grappe ou ta langue et le tableau toujours presque fini. Tiens, Ondine, ma tête s'abandonne, tiens, l'oubliance cristalline de mes pas vagabonds à l'escalier de la féminité infinie. C'est le nomade s'enivre au chemin, jamais il reverra l'arbre de sa terre natale en photo, jamais le livre s'ouvrira sur son prénom, où les mythes dans la terre qui fut sa mort, qui le précède et l'explique discrètement, tout est squelette, comme un mime ou un bouquet d'argent, l'ouvrant les portes du bordel. Les triangles sexuels, tels des meutes de loups, accourent à l'enfant solitaire du fond du corps, et les festins se célèbrent dans les ténèbres et dans ses lèvres fricatifs et universitaires. Et les peintres et docteurs à la tête d'âne, crucifiés dans du papier de Bible, mille fois méconnus pour un plus haut pouvoir de sa magie. Tiens, Ondine, ma tête s'abandonne. Tiens, l'oubliance cristalline de mes pas vagabonds, hors de la vulve et sa douceur polie. Voici que les songes d'un père l'asseillent et l'appellent, et c'est familier comme une tombe où se rendre enfant, mais la force du malheur et de l'écorce des pages féminines offertes à la nuit maintient l'attente. Et ces draps qui s'éveillent et les songes s'estompent comme une colle qui sèche, fraîche, sperme des origines. L'innocence se dépense au voyage en exil et reste une odeur de travail non fini, des lendemains du soir, des cendres froides, des moussets bombardés, Rien n'est gagné dans les ventres d'une mère, dans les dons du père, qui est de devoir partir pour un songe du crâne. L'ondine est la pure substance de la vague, elle réside dans chaque tournure de l'écume. Elle est fille du père, elle est marin et son pitre de frère, qui supporte la caresse comme un supplice.